cette rue-là, le temps avait posé un mur. Le lierre y cache des vies, les sœurs vivaient au cloître. Le long de cette rue-là, le soir caresse les toits, faïence. Au loin résonne Saint-Fond. Le long de cette rue-là, des formes bien noires priaient. Quelle drôle de vie passée, jardins et longs couloirs. Le long de cette rue-là, le soir endort les ponts sur l'île. Au loin se meurt un train, au loin se meurt un train. Le long de cette rue-là, j'entends les plaintes soupirs des cœurs qui glissent jusqu'à l'aurore. Au fond de cette rue-là, je marche fantôme, enfant troublé. Les murs sont de vrais murs. Je sais chaque rosée qui perle aux mains des sœurs en nombre. Elles vont et viennent si floues. Je sais chaque pensée qui perle au corps des sœurs en vie. Elles vont et pleurent sans fin. Elles vont et pleurent.